On va parler de hockey, on va parler de avec notre ami Stéphane Lebeau. C'est quelque chose qui va faire jaser aujourd'hui. C'est toujours le fun, ces sondages-là. Un sondage qui a été effectué auprès de l'Association des joueurs de la Ligue nationale qui mentionne que Carey Price est encore est le gardien, pas nécessairement le meilleur gardien, mais le gardien où c'est le plus difficile de jouer. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec notre ami Stéphane Lebeau. Salut Steph! Salut Danny. Stéphane, comment tu trouves ça, finalement, ce sondage-là? Ben, je trouve le résultat un petit peu étonnant, tout simplement parce que ça fait 2 ans, selon moi, que Carey Price là, n'est plus le goaler brillant qu'il a été dans le passé. Je ne dis pas qu'il n'est pas parmi les meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. Par contre, de l'établir clairement comme assez largement comme le meilleur gardien de but. Je trouve ça un petit peu étrange. Je pense qu'il traîne sur sa réputation de toute évidence. Et aussi, c'est peut-être un constat là, pour reconnaître à quel point qu'il n'est pas bien protégé devant lui. Hey, regarde, juste pour une idée, je sais pas si t'as essayé les autres, mais c'est facilement Price en avance, toi. Le deuxième avec qui qu'on parle, c'est 41% des gens pensent que c'est Carey Price. 12% des gens pensent que c'est Jonathan Quick. 9,3 Pekka Rene. 8,2 Sergei Borowski. Et par la suite, 5% Brandon Aubé. Hey, C'est tu sais, assez étonnant, Danny. ouais. Je m'explique mal. Puis d'autant plus, là, c'est ses pairs qui l'ont voté ainsi. Je pense que Carey Price bénéficie vraiment là, de la faveur de présentement des joueurs. Mais ça serait quand même plaisant qu'il offre des meilleures performances. Peut-être qu'à ce moment-là, il est à 40%, il serait à 80%. Ouais, c'est clair, là. Mais est-ce que mais quand je regarde ça, il y a pas. Ça dépend comment qu'on voit ça. Hein. C'est quoi un bon gardien de but? C'est-tu un gars qui a une bonne statistique? C'est-tu un gars qui est les meilleurs? Ou ça peut être. Parce que quand on regarde ça, il y a même pas 500 en série. 4 séries de gagner en 10 ans de carrière avec le C'est pas Canadien de beaucoup. Montréal, c'est pas beaucoup. Moi, je pense que Carey Price, bon, il a connu une excellente saison en 2014, si je ne me trompe pas, où il a gagné tous les trophées. Mais il a bâti sa grande réputation et son succès s'est fait surtout sur la scène internationale. Donc, il a prouvé que lorsqu'il avait une bonne équipe devant lui, il pouvait bien faire. Mais en même temps, Danny, on peut penser que il y a peut-être 4-5 gardiens de but canadiens qui, avec tout le Ben Canada devant lui, pourraient faire un petit peu là, les mêmes succès que Carey Price a fait. C'est sans rien lui enlever. Puis là, je ne veux pas être manqué de respect à son égard. Mais somme toute, là, un bon gardien de but, pour répondre à ta question, c'est un gardien de but qui gagne ses matchs de hockey, de deux qui affiche des statistiques éloquentes. Puis à cet égard-là, bon, cette année, en tout cas, c'est vraiment pas très reluisant de la part de Carey Price. C'est juste dans son équipe, là. Bon, les gardiens de but cette année chez le Canadien, il y en a eu 4. Et des 4, il y en a 3 qui ont une meilleure fiche au niveau de pourcentage de victoire. Et même Montoya, là, et bon, on va me dire que Carey Price a joué plus de matchs et que Carey Price joue contre les meilleures équipes, mais quand même. Les deux autres gardiens actuellement, Niemi et Lindgren, affichent un meilleur pourcentage D'arrêt. de victoires, un meilleur pourcentage d'efficacité et une meilleure moyenne de buts alloués. Et ça, avec la même équipe que Carey Price a devant lui, les mêmes défenseurs, les mêmes joueurs. Est-ce qu'on peut donner des petits chiffres parce que Carey Price a peut-être affronté certains soirs des meilleures équipes. Mais quand même, je suis perplexe et songeur face à un sondage aussi Puis, élogieux envers Carey Price. Stéphane, tu étais dans le vestiaire. Tu étais dans le vestiaire en 93, quand Patrick Roy, et ça, là, Patrick Roy, c'est un des plus grands gardiens de but d'histoire du Canadien, du Canadien et de la Ligue nationale. Puis il y a quelque chose qui ne compte pas dans les statistiques, là. Mais le leadership que ce gars-là que ce gars-là amenait, là, ça, tu comptes pas ça des statistiques. On dit tout le temps là, que tu vas me le confirmer qu'après le deuxième match contre les Nordiques en 93, c'est lui qui s'est levé dans le champ. Bien, Patrick, écoute, j'ai pas besoin de d'élaborer sur Patrick Roy parce que sa réputation, et c'est surtout, Danny, c'est son résumé de parcours. C'est vraiment des plus éloquents et Carey Price a tout approuvé face à avec Patrick Roy. Un gardien de but rend son équipe meilleure. Carey Price l'a fait dans le passé. Mais à un moment donné, le but ultime, c'est quoi? C'est de gagner la Coupe Stanley, c'est de gagner en série éliminatoire. Et c'est vraiment à cet égard-là que je pense que Carey Price craint de la patte par rapport à tous les grands noms qu'on peut nommer, Martin Brodeur, Patrick Roy, et ainsi de suite. Effectivement. Donc, c'est très, très, très surprenant ce qui est sorti comme, que, comme sondage ce matin. C'est sûr, certainement une réputation. Sauf que à l'heure actuelle, il est 41e. Ben oui. Les pourcentages d'arrêt d'efficacité. 41e. Donc, c'est énorme. Et malgré tout ça, les joueurs, et même Martin Brodeur cette semaine, ont mentionné que Carey Price était toujours le meilleur gardien de but. Ben, peut-être qu'on voit des peut-être qu'eux voient des choses que nous, on voit pas, Danny. C'est peut-être ça qui explique le résultat du sondage. Oui, effectivement. Deuxième affaire, Stéphane, que je veux te parler. Je veux te parler d'Antiniemi. Très surprenant. Hein? Écoute, moi, ce gars-là, ça arrivera pas, là. Ce sera pas ça qui va arriver, là. Mais tu me dis demain matin, là, que j'ai Lindgren pis Niemi pour les prochaines, pour la prochaine année, pis je suis pas inquiète. Ben, c'est certain qu'avec les performances récentes de ces deux gardiens de jeu, on pourrait être en confiance de toute évidence. D'un, on vient de dire, là, ils performent bien. Ils ont des meilleures statistiques que Carey Price. Niemi semble avoir retrouvé, là, une forme de jeunesse incroyable. Est-ce que c'est, le fait qu'il travaille de nouveau avec Stephen Waite, de toute évidence, il est en train peut-être de prolonger sa carrière et de donner de la valeur aux Canadiens si jamais on voudrait l'échanger. Mais tu sais, Danny, moi, dans la Ligue nationale, j'admire toujours les joueurs qui s'accrochent, qui trouvent une façon de rebondir. J'ai souvent dit que dans le hockey, dans la Ligue nationale, mis à part quelques joueurs, on était toujours en mode survie. On a toujours des choses à prouver. On ne doit jamais rien prendre pour acquis. Et Niemi, c'en est un bel exemple. Il est arrivé avec le Canadien avec une moyenne d'au-delà de 6, avec une moyenne d'efficacité très, très basse. Et même à l'époque, on avait critiqué Bergevin, ou on avait ri quasiment de Bergevin d'avoir cherché ce gardien de but-là. Et là, il est le récipiendaire de la Coupe Molson. Et de toute évidence, je joue de l'excellent hockey pour le tricolore. Mais tu sais, Stéphane, tu es d'accord avec moi hein, que la ligne est mince entre un bon gardien, entre une bonne performance puis un gardien qui fait pas le travail. Hein. C'est souvent la confiance qu'un dirigeant a pas. Puis écoute, Antiniemi, c'est pas un deux de pique non plus. Là. Il a gagné une Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago. Faut tout bien qu'ils arrêtent les rondelles, là. Une belle carrière, Antiniemi, mais à un moment donné, on a dit qu'il avait mal vieilli, puis ses performances le prouvaient. C'est un gardien de but qui se cherchait. C'est ça qui me fait penser, Danny, Antiniemi, à Dubnyk, Steven Dubnyk, qui très bon avait point. Eu une très bonne séquence dans la Ligue nationale, et par la suite, là, était pratiquement disparu de la carte, on se souvient bien, même il avait atterri dans l'organisation du Canadien. Moi, je l'ai côtoyé avec les Bulldogs d'Hamilton. Dubnyk, on le voyait dans les entraînements, il était un gardien de but, un athlète incroyable, nettement en avance sur les autres gardiens de but. Mais il n'arrêtait plus les rondelles. Mais vraiment plus, même dans la ligne américaine, pour lui, c'était difficile. Et à l'époque, le Canadien aurait pu le signer à rabais. Ils l'ont laissé partir. Et c'est là qu'il a reparti sa carrière avec Minnesota. Donc, est-ce que Niemi pourrait faire la même chose? Ben, peut-être, mais on a Carey Price dans la pour les 8 prochaines années et qui nous coûte très cher. Donc, ça serait plutôt surprenant là, qu'on va favoriser Niemi face à Price. Est-ce que tu penses que Lindgren pourrait être échangé? Ça pourrait arriver, par exemple. Parce que, écoute, un vétéran comme... un jeune comme Lindgren doit jouer. Tu sais, est-ce que ça pourrait être la possibilité aussi? Ben, ça peut être possible, mais encore là, c'est une question, qu'est-ce qu'on peut obtenir en retour? Ouais. Michael Condon, c'est un petit peu... Même style, hein? Même style dans le sens, ou même expérience, un gars qui a qui est arrivé un petit peu plus tard dans la Ligue nationale ou la Ligue américaine, qui a bien fait rapidement, mais il demeure des points d'interrogation. Est-ce qu'on peut trouver preneur? Sûrement. Mais qu'est-ce qu'on peut obtenir en retour? La profondeur d'une organisation dans les filets est super importante. À moins d'obtenir un joueur d'impact, un jeune défenseur d'impact ou un jeune attaquant d'impact, je pense qu'il faut garder Lindgren parce qu'on ne sait jamais. Carey Price est de plus en plus fragile. Niemi, il a un certain âge. Donc, présentement, avoir trois gardiens de but dans l'organisation du Canadien qui peut faire le travail, bien, c'est un plus. Fait qu'avant de fragiliser cette position-là, parce que bon, il y a McNevin qui peut s'en venir, ou l'autre, c'est le jeune Como, je pense. Oui, Primo, le fils à qui Primo? Oui, Caden Primo. Tommy McNevin également. Fucali, il lui reste encore quelques années à se développer pour voir s'il va atteindre le niveau de la Ligue nationale. Donc, présentement, il faut faire attention, parce que trois bons gardiens de but dans une organisation, c'est pas un luxe. Oui, Stéphane, on se reparle dans une couple de semaines. Ça me fait plaisir, Danny. Voilà, Stéphane Lebeau, notre collaborateur.